Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et on est en mode club de lecture cette semaine. Alors c'est le moment du mois où il y a full en studio. Donc quatre collègues, quatre collaborateurs qui sont avec moi pour explorer des bouquins, pour explorer des bandes dessinées. Pour les nouveaux, je rappelle le concept. En fait, à chaque mois, l'un de nous quatre choisit quatre albums qu'il partage aux autres. Et évidemment, les quatre albums sont rattachés les uns à l'autre par un aspect thématique quelconque. Alors, je présente les collaborateurs. Donc, autour de la table, vous avez Marco Duchesne, libraire chez Pantoute. Bonsoir. Édouard Tremblay, et également de chez Pantoute. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Et Jérôme Vermette de chez La Liberté. Je suis un peu estomaqué. Marco a été plus laconique que je le suis en ce moment. Salut! Et la thématique du mois a été choisie par Édouard, qui nous amène dans la sphère du zoomorphisme en bande dessinée, donc les personnages animaliers. Je vais mentionner les quatre albums. Ensuite, je te laisserai peut-être nous expliquer pourquoi tu nous as fait lire ça. Il y en a certains, d'ailleurs, pour lesquels, parce que moi, j'étais en nouveauté absolue. Je n'avais lu aucun de ceux que tu proposais. Et je m'étais permis de te remercier à l'extérieur des ondes. Je le fais également à l'avant, parce que tu m'avais fait de très, très belles découvertes. Alors, dans les albums, tu me proposais donc de Krasinski, La fin du monde en trinquant, c'est chez Casterman. Donc, Black Sad de Diaz-Canales et Guarnido. Donc, tu nous avais amené une intégrale. Tu nous avais dit, on lit juste le premier tome, mais finalement, je pense qu'on s'est tous un peu étendus. Ça, c'est chez Dargo. Donc, Dérol et Masbou de Cap et de Croc également. Le premier tome, Le secret du janissaire, c'est chez Delcourt. Et La bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux. Donc, à partir d'images de Calvo et donc des auteurs également qui l'accompagnaient. Donc, c'est chez Gallimard. Alors, sélection à saveur animalière. Édouard, pourquoi? Pourquoi, en fait? Ben, au-delà, justement, bon, du grand plaisir que j'ai eu avec les quatre titres, qui, de toute façon, je pense que j'aurais eu du fun à les traiter un peu sur n'importe quel angle. Mais, bon, ceux qui me connaissent le savent déjà, ceux qui suivent l'émission le savent déjà, je suis historien de formation, et donc, disons que cet aspect, justement, du zoomorphisme, du symbolisme, en fait, animalier, du prêt d'attitude, de traits animaliers aux êtres humains, d'emblée, c'est quelque chose qui me fascine, et c'est quelque chose que je crois qui existe, en fait, depuis que l'homme est l'homme. Hein. Je veux dire, cette association avec un animal totem se renvoie, justement, à certains traits de personnalité qu'on va magnifier à travers les animaux. On en retrouve des traces depuis toujours, qu'on pense aux fables d'Ésope, bien sûr, qu'on pense même extenso à la grande Énéade égyptienne, qu'on pense au roman de Renard un peu plus tard, au Moyen-Âge. Donc, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos sociétés. Et pourquoi j'ai choisi ces quatre-là en particulier aussi? Bon, au-delà justement du fait qu'on a un zoomorphisme qui va être un peu différent à chaque fois, de par la conscience différente de l'animalité qu'on va en avoir, de par la présence ou non aussi des êtres humains, mais d'abord et avant tout aussi parce que malgré les distances, malgré les thèmes, c'est quatre œuvres occidentales. Et je tenais à ce qu'on à le préciser parce que c'est de ce zoomorphisme-là qu'on va parler. Parce que justement, si... ça serait curieux d'un jour de faire l'exercice, mais si on se penchait, par exemple, sur un symbolisme qui serait issu, par exemple, de l'Asie, ou des Premières Nations, ou du continent africain, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances que certains traits, certains défauts, certaines qualités qu'on attribue, justement, en Occident à certains animaux. Je pense, par exemple, à celui du loup, dont on aura l'occasion de parler, notamment avec Calvo. Mais je veux dire, si on prend, par exemple, le symbolisme des Premières Nations, eh bien, le loup, on est assez loin de ce que Calvo, lui, le présente avec, disons, cette bonne vieille approche européenne du grand méchant loup. Donc, c'est un peu ces aspects-là, en fait, j'avais envie qu'on brasse un peu, qu'on amène un peu. Et comme je disais, avec aussi quatre titres qui, au-delà de cette représentation animalière-là, ont, à mon avis, chacun un intérêt propre, une valeur propre de parce qu'ils traitent, de la façon aussi dont ils le traitent. Donc, j'avais bien envie, en fait, de voir qu'est-ce que mes collègues avaient à en dire. Alors, les quatre albums sont présentés? On commencerait, à mon avis, d'abord, pourquoi... D'abord, la plus, c'est toi qui fais les transitions. Ouais, je sais. C'est complètement déphasé. Non, non, je là. Sais, mais là, j'espérais prendre un peu un break à soir et tout. Mais, Ah, OK. Faut que t'avertisses. Ouais, on va se préparer. On se serait préparé à l'avance. Moi, je m'attendais à ce que tu lances le débat. Puis je Mais allons-y. Mais veux-tu qu'on commence par la perspective historique, tiens? Ben oui, pourquoi pas. Allons-y par le plus vieux. Hein. Calvo, la bête est morte. Parce que, bon... D'emblée, on aurait pu... Ah, c'est pourquoi t'es pas allé avec Mars, justement, qui aurait été peut-être le choix le plus évident et tout. Mais, ben, d'emblée, je voulais montrer, d'un, que, ben, Mars, oui, c'était avant-gardiste, oui, c'était extraordinaire, mais il y a eu des précédents. Là. Ça n'a pas réinventé la roue complètement. Et on le voit avec une œuvre comme celle de Calvo, qui, on s'en étonnait tous un peu, qui a été publiée, c'est quoi, 3 semaines après la libération de la France. Là. Donc, on est à chaud. Ouais. Les presses, comme on le disait tout à l'heure, commencent à peine à retourner. Et déjà, on va produire de première main ce regard-là très, très puissant, très fort, très lourd en images sur ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale du point de vue français. Et on est à mi-chemin un peu entre une bande dessinée et un livre illustré, parce que c'est vraiment, dans le fond, des cases de texte, des blocs de texte en relation avec différentes images. Il y a une logique de narration, mais donc, en fait, on joue un peu avec la forme. Là. En fait, l'idée qu'avait Calvo était d'aller chercher l'héritage de la bande dessinée, mais le livre... d'images d'Épinal, qui était à une époque construit de la même chose, c'est-à-dire des images avec un texte sous la case ou sous l'image. Habituellement, il y avait moins d'images par page. Là, on est plus proche de la bande dessinée. On est plus proche de ce qui se faisait aussi du côté américain, comme avec Foster, avec Prince Vaillant, par exemple, avec ses cases où le texte apparaît dans le bas et qui réfère à l'image. Et on est plus proche de ça. Et je pense que après la... ça voulait marquer le coup aussi avec cet héritage-là par rapport aux événements que les Français venaient de vivre, surtout avec, comme tu disais, la libération et tout, là, était de raconter cette histoire-là pour à la manière... d'un conte d'enfant, parce que vraiment, cette façon de raconter-là voulait toucher, d'après moi, un plus grand nombre de gens de tous les âges pour vraiment fixer la propagande, mais plutôt l'histoire. C'est moins propagande qu'il l'est, comme je faisais référence, je vous avais mentionné le Blitzwolf de Tex Avery, un dessin animé que Tex Avery avait fait dans les années 40, qui était plus de la propagande, là, avec l'histoire du grand méchant loup nazi et des 3 petits cochons. Et qui a été pas le seul, d'ailleurs, Disney en avait fait, Popeye aussi, on a utilisé le dessin animé pour la propagande américaine. Là. De ce côté-ci, avec La Bête est morte, le mot propagande, moi, en tout cas, je le vois pas comme de la propagande, c'est comme de manuel d'histoire, ou peut-être pour... enfants, adultes, vraiment, c'est comme tu disais, c'est une espèce de thérapeute. Ouais, ben, c'est une victoire. Oui, ben, c'est ça. Un peu dans une logique ferme des animaux, dans le fond, où les personnages animaliers viennent un peu déjà donner un a priori, servir, on joue un peu avec les stéréotypes, avec l'imagerie, l'imaginaire, tu parlais de mythologie au départ, ou d'utilisation de l'animal dans différentes... cadre mythologique, mais on est vraiment dans cette logique-là. Il y a même des personnages qu'on peut carrément identifier là-dedans, ben oui. Là, des personnages historiques. Là, puis là, je parle pas juste d'Adolf Hitler en loup, mais il y a Winston Churchill en bulldog. Oui. Garrigue en cochon. Ouais, c'est ça. Là, ils sont en furet. Ils sont hyper caricaturales déjà là-dedans. On ramène, comme je disais, c'est l'utilisation du zoomorphisme, mais ramène un trait... personnel ou un défaut, quelque chose d'extrêmement exacerbé, et en le mettant dans la peau justement d'une bête, la bête a souvent cette valeur de représenter une ou peut-être 2 valeurs en particulier, donc là on met vraiment l'accent là-dessus. Oui, puis ça définit rapidement les qualités, les défauts, la nature dans le fond du personnage. D'un premier coup d'œil. Exact. Et même je pense qu'à quelque part ça atténue peut-être un peu aussi la brutalité de la chose, parce que reste que si on veut justement présenter ça à des enfants, le dessin est quand même très Disney, très très beau, très pas paisible, mais quand même avec des belles couleurs, c'est chatoyant, mais je veux dire, ça raconte quand même la guerre, ça raconte quand même les camps, ça raconte quand même un paquet de d'horreurs et tout. Et donc, d'avoir, je pense, ce médium-là aussi qui vient un peu atténuer la chose, qui vient comme la relativiser, parce que bon, le loup, bien sûr, chasse ses proies et tout ça, n'enlève rien à l'impact, mais rend la chose peut-être un peu plus digeste, peut-être surtout un peu plus facile, parce que je le rappelle, 3 semaines après la libération, là, imaginez, c'est à chaud, là, on est... Il n'y a pas de recul. Non, il n'y a pas de recul, et ça paraît très bien aussi, là, on voit qu'il y a quand même un ton, des fois, qui est assez, donc pas revanchard, mais ils viennent de sortir de la guerre, et ça paraît, le traumatisme est là, le poids de tout ce qui s'est passé est encore là, là. Tu parles du dessin, justement. Ben c'est une affaire qui, je trouve, vraiment intéressante dans cette BD-là, outre le texte, tu sais, bon, parce que ça raconte la guerre, tu sais. D'une certaine manière, on le sait un peu c'est quoi cette histoire-là, mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup en lisant ça, c'était le dessin qui a une espèce de vernis de son époque, là, en partant. Là, on reconnaît tout de suite l'époque, hein, en le regardant. Outre le fait que c'est fait avec du texte, là, comme tu me rappelais, Foster, il me semble Bécassin, c'était ça aussi. Aussi, Bécassin. Oui, oui. Mais en fait, c'est ça. On a l'impression que c'est son époque. Oui, mais c'est ça. Mais pas du mais tout. C'est un peu plus tard. Mais c'est vraiment un hommage. Ah, parce que la BD, au moment de la sortie de La Bête est morte, la BD a déjà, on est dans les années 40, les Tintin est déjà installé, oui, Astérix, oui. Pas Astérix, Tintin est déjà installé, Spirou est déjà... Ouais. Bref, les codes qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui sont déjà installés et la BD a déjà des publications qui sont bien à elle. Là, l'imagerie d'Épinal, Bécassine et tout, date déjà d'un passé. C'était déjà rétro. Oui, et c'est ça, mais c'est ce que j'expliquais, c'est que là, je pense que l'idée était d'aller chercher cet héritage-là, de le remettre à jour pour toucher un plus grand public au niveau du dessin, mais de la manière de raconter. D'ailleurs, on ne mentionne jamais en BD. C'est dans une collection chez Gallimard, il n'est pas mentionné, et souvent ça se ramasse dans les livres jeunesse. Ah ouais, okay. Parce que c'est ce que... Alors, je pense que c'est voulu d'aller chercher tout ça. C'est tous les penseurs de la BD qui ont été le récupérer. Hey, c'est à nous autres, ça. Attends une minute, ça marche comme... Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis là, moi, je trouve, quand tu le relis maintenant, ça me faisait un peu penser à des fois des techniques. Évidemment, je finis tout le temps par y revenir, parce que le cinéma et la bande dessinée, pour moi, sont très, très proches. Des techniques qu'ils font au cinéma où, pour donner l'impression qu'un truc s'est passé il y a fort longtemps, on va reprendre, mettons, les clichés du cinéma muet ou des choses comme ça, ben tu la relis maintenant, puis c'est comme si c'était le grand-père vétéran maintenant qui raconte à ses petits-enfants ce qu'il a vécu, et le style de dessin fit parce que ça fait quelque chose qui a eu lieu il y a déjà 70 ans au moins, il n'y a pas loin de ça. Hein? Mais c'est ça, avec le temps, le même effet. En ce moment, un client, aujourd'hui à la librairie, il regardait les Mickey, cette collection de Glénat où on a confié le personnage de Mickey Mouse à des auteurs européens contemporains. Mmh. Et là, on sait que Trondheim s'est amusé à faire des facsimilés, on sait que... Et bref, un client qui est pas du tout au courant, fait « Ah, wow, les vieux Mickey! » Attends, oh non! Time out! Et là, je lui explique tout le truc. Et effectivement, je pense que ça a cet effet-là, tu sais. Aujourd'hui, Mickey est fait par Trondheim, mais dans 20 ans, le Mickey fait par Trondheim va se fondre dans le décor. En fait, c'était peut-être même une volonté de donner une pertinence d'emblée à l'œuvre. C'est-à-dire que même si justement c'est publié très, très, très tôt après la guerre, c'est comme ça donne déjà l'impression que « Ah, c'est le vieux récit de mon grand-père » ou je sais pas. Puis il y a dans le dessin, justement, ça, je trouve ça fabuleux parce que le dessin, ce style-là, donne un aspect quand même magique au décor, au personnage, tout ça. Tu sais, au début, là, les doubles planches, ça... En tout cas, ça, je trouvais ça vraiment beau à voir parce qu'on fait plus nécessairement ce genre de choses-là. T'as deux doubles planches, une pleine page qui montre la forêt avant l'invasion, puis l'autre où c'est de l'autre côté de la forêt où justement l'invasion, elle, se prépare en un seul coup d'œil. Les bons, les méchants, puis il y a comme un aspect fantaisiste un peu là-dedans. Une composition, qui est très... Mais on comprend tout de suite le lien vers quoi ça s'en va. Et oui, là, puis il y a énormément de personnages par case, hein, il y a du détail là-dedans. En fait ça devient presque, on a l'impression que les animaux s'imposent d'eux-mêmes aussi de par la complexité, parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de détails, il y a tellement d'informations... qu'à un moment donné, ben ça permet aussi des petits raccourcis ou du moins des repères plus facilitant, parce que reste que c'est ce genre de BD qui aujourd'hui, en fait, ça me fait rire quand tu me dis ça se retrouve dans le jeunesse. Je veux dire, c'est dense. Oui, mais il y a beaucoup de textes. Mais regarde l'évolution de la BD, de la littérature jeunesse, même pour les albums, même pour. Mm-hmm. Écoute, il y a Il y a de ça des années, quand tu as commencé la littérature jeunesse, un roman jeunesse, ça s'adressait à 8-9 ans et ça avait 20 pages avec trois dessins dedans qui étaient, tu sais. Et maintenant, ils lisent Harry Potter, là. Ce qui fait que ça, je pense que quand ils l'ont ressorti en 2000, je me rappelle plus de la date de réédition, quand ils ont... En fait, ils ont sorti, c'était deux épisodes. Hein, la bête est morte et la bête est... ça portait deux titres. En fait, quand la bête est déchaînée, quand la bête est terrassée. C'est ça. Ouais. Alors, c'était deux épisodes qui étaient sortis à un an, quelques mois d'intervalle. Donc, la bête est morte regroupe les deux. Alors, Gallimard ont décidé de rééditer la chose. Et c'est ça. Et c'est à ce moment-là, les penseurs de la BD l'ont ramassé parce que, au niveau de l'imagerie d'Épinal, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est presque tombé dans l'oubli, ce genre d'album qui a longtemps, au début du 20e siècle, fin 19e, qui a vraiment été populaire pour raconter des histoires aux enfants, mais même aux adultes. Et très moralisateur. Et très, oui. Et là, ils l'ont récupéré. Et il faut voir aussi, les penseurs de la BD, ceux qui réfléchissent, s'en sont emparés parce que la relation texte-image aussi, qui vraiment là-dedans est précurseur de ce qu'on va voir avec, exemple, Loustal. Jean-Louis Loustal. En tout cas, Loustal, je parle d'un album qui s'appelle Barney, la note bleue, qui est un album sorti dans les années 80 avec Paringo, un auteur... un critique de jazz dans un magazine européen, avait fait un album qui s'appelait Barney, la note bleue, qui racontait l'histoire d'un saxophoniste où il y avait des cases et un texte dans le bas. Et le texte dans le bas et qui se référait à l'image souvent ne racontait pas la même... Et c'est ça, poussé à son extrême, le cas de la BD qui dit, bon, c'est une image, c'est une histoire racontée ben là, avec les bulles et tout, là. Mais attends, là, c'est aussi de la BD, et c'est pour ça. Et ça fonctionne très bien, la relation texte et image. Parce que l'imagerie d'Épinal, habituellement, c'était une image et il y avait un titre en dessous. Là. Ouais. On a gardé ce phénomène, mais on l'a développé pour en faire ce qu'on voit là. Mais c'est pour ça que ce look-là, cette structure-là du livre est plus proche de la BD que là, mais enfin, quand on l'a ressorti, et à sa sortie, l'album, et c'est probablement pour ça qu'on allait chercher, on y a donné cette structure-là, c'est pour donner l'impression d'aller chercher l'héritage. Et... Après tout, on venait d'être victorieux. Hein? Ouais, après tout. Hein? mais c'est le texte, par contre, tu vois, je trouvais que ça rappelait vraiment les contes qu'on raconte aux enfants. Là, aussi, les contes classiques, hein, ouais. ça a quelque chose de certain. Perpétuation là, en même temps aussi avec le rapport, parce que justement quand on parle de zoomorphie, c'est de voir aussi sous quel angle on la met. Donc ici on a une opposition, disons, c'est clair, entre les prédateurs, les proies. Ouais. On pourrait même, bon, à la limite parler des animaux domestiques quand on parle un peu du bulldog, mais je pense qu'il y a vraiment la dichotomie qui se situe vraiment entre ceux qui chassent et ceux qui sont chassés, alors que, et c'est là l'intérêt justement d'avoir plusieurs titres à discuter. Si on regarde du côté de La fin du monde en trinquant de Krasinski. Excusez-moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ils les veulent, ils sont éblouis à chaque fois, c'est incroyable. Alors, si on jette un regard en fait sur La fin du monde en trinquant, eh bien, encore une fois, bien sûr, on a une zoomorphie qui est complète, c'est-à-dire que tous les personnages sont des animaux. Mais là, au lieu de mettre une scission, je dirais, entre ceux qui sont les proies et ceux qui sont les prédateurs, on a vraiment une scission entre ceux qui sont civilisés, donc domestiques, et les brigands qui sont, vous le remarquerez, tous des animaux sauvages, des ratons laveurs, et au-delà, bien sûr, de l'histoire. Mon Krasinski, je l'avais découvert, en fait, avec Le Crépuscule des Dieux, donc des Idiots, en fait, non pas Le Crépuscule des Dieux, Le Crépuscule des Idiots, où déjà, il amenait un paquet de symboles, c'était toute une bande de macaques japonais qui découvraient la religion et tous ces, toutes ces dérives, ce qui est absolument, absolument, absolument génial. Et, encore une fois, moi, je pense que dans cette histoire-là, qui reste somme toute quand même assez sombre sur certains aspects. On annonce une apocalypse, on annonce assez, une fin assez, du oui, monde. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même des running gags, il y a quand même de l'humour. Il y a beaucoup d'humour noir. Krasinski, comme ça. Mais dans Crypto des idiots, c'est ça aussi. Je veux dire, ils vont maîtriser le tragicomique très habilement. Mais il y avait un seul sujet dans le Crépuscule des idiots qui était... Tu sais, il y avait un seul sujet, là. C'est-à-dire, bon, ces macaques-là, la religion, ils sont frappés par l'atterrissage d'une capsule où un macaque avait été envoyé dans l'espace. Donc, un macaque un peu plus intelligent qui débarque et là, il passe pour un dieu. Mais tout le long de cet album-là, le sujet en est vraiment la religion, l'abus de pouvoir de tu sais, parce que là, le macaque, il comprend qu'il est pris pour un dieu, ce qui fait que... Mais ici... C'est fascinant, on s'attend à la même chose. Je sais pas si toi t'avais lu le Crépuscule des idiots aussi, mais on s'attend à peu près le même truc, mais non, ça avance tranquillement. La science versus la... Non, c'est pas ça. La science versus la... Non, c'est pas ça. Fais-moi, c'est mon premier Krasinski, puis je te reçois. Même sans avoir justement l'héritage ou d'attendre de par l'auteur, je veux dire, il y a tellement de fausses pistes. Oui. En fait, ah où oui, le récit c'est commence, ça, oui, tu t'attends quelque long. Chose, puis finalement, finalement, puis chaque détour vient et ça vient complexifier un peu les personnages, dans le fond, parce qu'on part. Ils sont animaliers, donc on a une idée prédisposée sur la nature de leur bonhomme. Mais finalement, on évolue. Je veux dire, le cochon qui est central au récit, il finit pas où je m'attendais qu'il s'en aille. Non, tout, là, il y en a pas un qui finit où on s'attend. Vraiment pas. Il se punch incroyable à la fin. Tu sais, il se fait « Ah oui, OK, finalement, oui, il y a un punch. » Ah non, mais c'est extraordinaire. En fait, il y a un autre punch, parce que c'est une suite de punch. Oui, c'est ça. Une suite de revirements qui sont inattendus, mais pas illogiques. Ouais. Non, en fait, ils sont parfaitement cohérents. En deuxième lecture, on est capable de mieux mesurer. Ben, c'est parce qu'il y a un fil d'Ariane, oui. Par contre. Hein, on dirait qu'il y a plusieurs histoires, mais en même temps, il n'y en a qu'une. Il suit son fil constamment. Ah oui, ramener, là. Et ça, c'est mené de main de maître. J'adore ce que Krasinski... Il m'a beaucoup rappelé... Et ça, c'est un art perdu en humour, en BD d'humour. C'est un art perdu. C'est l'art du dérapage contrôlé. Fmur, le regretté Fmur qui nous a quittés il y a un an et demi peut-être, qui avait créé le génie des alpages, c'était un maître dans l'art du dérapage contrôlé, c'est-à-dire nous raconter une histoire et délirer, mais toujours en nous ramenant ou en nous disant, tu sais, attends, et finissant. Et là, ça, j'ai retrouvé ça à la lecture de ça, c'est-à-dire que oui, il va y avoir une catastrophe, c'est fini, un village va le cochon veut aller sauver les gens, se rend là-bas. Et là, à un moment donné, tu fais, OK, mais où en sommes-nous avec la... Non, attends, bref, c'est vraiment... Il faut vraiment la lire d'un bout à l'autre, sans arrêt. D'un seul coup. Hein. D'un seul coup. Oui. Pour vraiment apprécier le truc, puis se dire, ah oui, OK, c'est vraiment ça. Là. Mais d'un point de vue pratico-pratique, tu dis, il faut, mais ça vient naturellement de lire au bout on n'a pas envie de décrocher parce que justement, il nous amène, puis avec les revirements, avec les éléments de surprise, on est toujours un peu dans l'expectative, on est toujours un peu dans le suspense, on n'arrive pas à envisager le récit de manière confortable parce qu'on est toujours un peu ébranlé et on est content de l'être. Et merci Édouard pour ses commentaires sur ce fameux zoomorphisme ou qui est occidental, qui reprend. Et là, je vois le choix des animaux. Le chien fou, tu sais, mais... Oui, OK, là, ça m'avait pas apparu au début, mais là, maintenant que t'en penses, ben oui, c'est pour ça que c'est un chien. Cette sorte de chien-là, c'est-à-dire, oui. Il fait plus lévrier. Ouais, peut-être, peu. Mais tu sais, l'image qu'on a du lévrier qui saute partout, c'est ça. C'est ça que je pense qui est apporté au crédit de Krasinski, d'autant plus parce que dans cette BD-là, justement, on va aller magnifier les traits des personnes avec le fait de les transposer en animaux, mais contrairement à, par exemple, je sais pas, justement, comme dans Cap de Croc, dans Calvo, les animaux ont pas conscience qu'ils sont des animaux. Mais on va y jouer, parce que cette scène superbe où t'as justement le cochon qui se fait offrir du cochon, ça, oui, qui dit, désolé, ça. Je mange pas de porc, je suis juif. C'est magnifique. C'est absolument brillant, là. Ça, c'est la réplique du siècle. C'est comment on va retourner ce qui aurait été une évidence même, c'est un cochon, c'est sûr qu'il mangerait pas du cochon. Encore que si on connaît un peu le comportement des porcs, on serait guère surpris d'en voir se cannibaliser. Ça mange à peu près n'importe quoi. Mais parenthèse à part, moi d'avoir eu cette idée justement de dire les animaux ont une réaction qui correspond à ce qu'ils sont, mais pas parce qu'ils savent ce qu'ils sont, par leur nature humaine. Ça, je trouve ça complètement. Tu me fais penser à un élément, par exemple. Mettons, je vous pousse le ce que tu dis là un peu plus loin. Le seul personnage auquel on peut s'identifier en tant que lecteur, c'est le scientifique, le cochon. Oui. C'est le seul qui semble d'ailleurs avoir des réactions normales. Hein, d'ailleurs. C'est ça qui est pas fou. C'est ça. Jusqu'à la fin. Hein. Et puis ça me fait penser justement le seul l'animal auquel on dit que l'être humain est assez proche en dehors des singes, c'est le porc. C'est le cochon, là, je me dis finalement peut-être que cet élément-là est pas totalement gratuit aussi, tu sais, de la couleur de la peau, de la kit. Mais c'est vraiment le seul personnage auquel c'est on peut. C'est l'exemplaire unique. Il y a pas d'autre. Cochon, je pense. Non, dans le récit. Non, il y a des chiens, il y a des lapins. Il y a des lapins. Ils sont plusieurs, mais le cochon, c'est le seul. Oui. La scène des lapins, c'est magique. Encore là, on parlait d'inattendu puis de surprise. S'attend pas à ce que ça s'en aille vers cette direction-là. Puis tout ça avec des confrontations de genre la science avec la religion, la science avec la. Ça, c'était fascinant, ça. Ouais. La science versus le gouvernement, c'est-à-dire le Catherine de Russie. Ouais, c'est ça. tu sais, toutes ces confrontations là, mais comme j'avais lu le Crépuscule des idiots, je me suis dit c'est ça qui va développer. J'avais de grandes attentes. Moi, c'est ça qui va développer pas en tout. Mais en même temps, il développe un peu par la bande parce que dans les réactions sont là, c'est plutôt qu'une confrontation développée. C'est une série de petits éléments, une série de réactions, une série de mises en relation avec des personnages qui sont assez riches pour justement être représentatifs d'une certaine réalité, d'une certaine perspective. Mais on va au-delà de ça, ça fait popper dans ta, tu sais, religion, là ils se confrontent au gouvernement, qui non, nous la science, ok, mais et tu sais même le cannibalisme, on parlait de manger, tu sais, quand ça pop, ça c'est ok, mais on va y traiter de cannibalisme. Ben non, mais c'est même pas ça. T'sais. Non, même pas du tout. Ça, c'est fameux là, comme action. Et en termes de dessin, en termes de visuel, en termes d'ambiance aussi, je veux dire, c'est solide à la fin quand on arrive à certaines séquences. Je veux dire, on réussit à. Les personnages sont expressifs, on sent la détresse, on est dans la Russie, on sent le désir. On est dans la Russie de Catherine, l'impératrice, et l'ambiance constante de ce soit de Saint-Pétersbourg ou de la nature. Écoute, c'est la Russie. C'est un roman des Lumières, et même dans l'approche justement de ce que Raymond évoque, c'est d'un roman des Lumières, c'est-à-dire qu'il touche à tout, qu'il va aborder un paquet de thèmes. Je veux dire, c'est ça aussi l'époque, quand on pense à Voltaire. Ouais. On ne maîtrisait pas qu'un truc. Là. On traitait de 15 choses en même temps, on débattait de 4 aspects différents pour ramener une question. C'était jamais cette espèce de micro-spécialisation qui est devenue un peu la tendance dans notre temps. On avait cette connaissance générale, cette approche générale, et on brassait justement un paquet de trucs. Moi, c'est vraiment l'impression qui m'en a sorti un peu. C'est ça. Je m'y connais moins en littérature russe de cette époque-là. Mais par contre, Voltaire, moi, c'était Candide, là, le chien fou. C'est vrai. Candide. Moi, dès le départ, c'était ça. Là. Ça a installé le truc, là, ben comme il faut. La date avec... c'est très voltairien. Là, cette façon de raconter en humour c'est un roman d'apprentissage. En humour noir, quand même. En humour noir, on rit noir. On rit franc aussi par moments. Puis, comme tu disais, on ramène les éléments qu'on place sont toujours... l'attention est rémunérée, si on peut dire. Si on fait attention aux détails, si on les suit, les B, par exemple, qui nous suivent au fil du récit, tous les éléments qu'on nous place reviennent, se justifient, s'intègrent. On parle beaucoup d'humour noir, mais il y a aussi de grands moments romantiques, là, quand même, dans cette bande dessinée-là. C'est Roméo et Juliette, c'est shakespearien à mort. C'est vraiment un témoignage de l'époque des Lumières. Ça touche tout, ça brasse tout, avec une finesse, une intelligence, là, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est La fin du monde en trinquant de Krasinski. Et ben là, la question, enfin, on vient de parler de Krasinski, on vient de parler de donc cette bête qui est morte. Alors sur quoi se lance-t-on par la suite? Là, on avait comme un débat interne à savoir où s'en va-t-on? Est-ce qu'on y va en termes chronologiques avec De Cap et De Croo? Est-ce qu'on y va peut-être plus en termes d'ambiance, le côté un peu noir, sombre qu'on avait dans Krasinski, donc on irait vers Black Sad? J'ai presque envie de passer au vote populaire, là. Ben, en fait, j'avais préparé une splendide transition pour De Cap et De Croo, mais bien sûr, comme c'est l'émission à Raymond, ben, on va parler de Black Sad. On peut faire De Cap et De Croo. Non, mais vas-y, écoute. Non, mais j'en inventerai une autre, c'est tout. On voulait parler de noirceur. On est dans Black Sad, allons-y. On va fournir une arme et on va la mettre au milieu. On va rester dans l'époque, finalement. Non, on va avoir un duel. Oui. Du reste, mon très grand amour de la série De Cap et De Croo, il faut bien reconnaître que Black Sad, ça a été... parce que, comme je vous l'expliquais, je sais pas, j'avais dû manger une saloperie à l'époque ou quelque chose. En tout cas, j'avais lu un peu le premier et ça m'avait pas fait d'effet plus que ça. Bon, j'avais trouvé ça sympathique et tout. Et bien sûr, bon, comme ça faisait déjà plusieurs années, pour le bénéfice du club de lecture, moi, j'ai dit, je vais me replonger là-dedans. Et je sais pas, j'ai comme eu une épiphanie. Écoutez, c'est Paul sur le chemin de... ce chemin de Damas. Écoutez, c'est absolument, absolument, absolument, absolument extraordinaire. Mm-hmm. La finesse de cette série, l'intelligence de cette série, la concentration de l'esprit noir dont Marco nous parlait hors d'onde, mais qui est complètement là, complètement splendide. Ça m'a vraiment fait terminer comme Edouard, qu'est-ce que t'as fait toutes ces années pour avoir lu Black Sad? Oui, puis t'as été cruel envers nous parce que Edouard, en fait, pour le contexte du club et ce qui a été annoncé sur, entre autres, les réseaux sociaux, facebook.com/laviebd ou laviebd.wordpress.com, eh ben, c'est le premier tome. Dans le fond, on nous dit, disons, le premier tome de Black Sad. Mais Edouard, enfin, gentleman, nous fournit une intégrale à lire. Et après ça, on est censé juste lire le premier tome. Et après ça, on est censé dormir puis être en forme. Donc, c'est un peu cruel. Mais sincèrement, je ne sais pas où j'étais ou pourquoi je n'avais pas lu Black Sad avant aujourd'hui. J'ai la même révélation sur le chemin de Damas que toi. Ouais. Sincèrement, c'est absolument, je veux dire, on se rapproche d'une perfection là, en termes BD. Tout à fait. Je pense que je fais partie de ce club. Ça se prend des amateurs de BD, ça n'a pas lu Black Sad. mais je veux dire, en fait, si on y va sur le code du roman noir, puisque dans le fond, le lien imposé est un peu sur l'ambiance... dans la mesure où on se retrouve dans un roman noir, mais un roman noir qui nous amène aussi vers des endroits un peu comme le Krasinski, vers lesquels on s'attend pas nécessairement. Non. Dans le fond, le revirement, l'approche, en fait, le premier tome, par exemple, le premier livre, on s'en va vers quelque chose qui semble assez stéréotypé, classique, et là, oups, tranquillement, non, c'est pas stéréotypé, non. Puis là, la finale où on s'attendrait à créer un méchant ou je sais pas trop, en fait, je me disais, c'est peut-être une suite d'albums avec un personnage. Un grave. Finalement, non. Finalement, non. On finit ça frette un peu, raide, et là, on reste sur l'impression, puis OK, il y a une deuxième BD, on commence à dire ça, et oups, on nous amène vers des terrains, vers du racisme, vers de la discrimination, vers... Et mon Dieu, c'est tellement de richesse et de volonté d'aller jusqu'au bout, en fait, aussi, des thématiques qu'on nous amène. Et tout ça en gardant des personnages qui sont conscients de leur animalité. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une affaire qui m'a marqué, si je reste sur le thème du zoomorphisme, c'est que cet univers-là fonctionne à cause que les personnages sont zoomorphes. Ils le savent. À un moment donné, il y a une scène où il y a un furet, je pense, ou un... Là, j'ai oublié le nom de l'animal que j'aime, en tout cas un mammifère quelconque, qui rentre dans un bar où il n'y a que des reptiles et on lui fait remarquer que les poilus ne sont pas acceptés ici. C'est vraiment là... Et le choix des animaux encore là, grâce à ton œil. Extraordinaire. Mais écoute, jusqu'au bar, même, ça m'avait toujours étonné, moi, un personnage aussi, pas secondaire, mais même tertiaire, un personnage... quelconque, mais le choix du barman cliquait comme ça, là. Et c'est physionomie. Il n'y a pas juste de dessiner un animal humain, c'est aussi la physionomie. Oui. Et ça, c'est grâce à Guardino, qui lui a travaillé au studio Disney. Il vient des studios Disney Europe. C'est un Espagnol qui vient des studios Disney Europe et qui, on le voit, là, maîtrise parfaitement cet art-là de la physionomie. C'est pas tout de dessiner, tu sais, un humain avec qui a de l'air d'un loup ou d'un loup qui a de l'air d'un humain, il faut encore y donner une physionomie particulière à lui. Allez. Parce que Black Sad, comme tel, cette espèce de panthère noire, mais elle a sa propre physionomie comme le personnage. Ah ouais, et oui, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Une maîtrise, là. Et une maturité dans le dessin. Quand le premier tome est arrivé, on est tout jeté par terre parce que, waouh! Et c'est les codes de la BD, ils sont respectés, mais c'est magistral. La lumière, le jeu des couleurs. Le jeu des couleurs et de la lumière là-dedans rend hommage et à cet esprit des romans noirs. Parce que, à une époque, le roman noir de Chandler, Ahmet et Kane, à cette époque-là, toutes les adaptations qui avaient été faites au cinéma étaient en noir et blanc. Alors, dans notre tête, ça fonctionne en noir et blanc, là. Mais pas du tout. À la lecture de ça, moi, ça a comme remis la couleur dans Chandler, dans Ahmet, dans les aventures de Philippe Marlowe. Moi, ils sont tous revenus en couleur. En fait, c'est possible, tu sais. Mais si l'ambiance est là, c'est dans le fond, l'ambiance, oui, c'est au noir. Et après ça, ben, la couleur vient à travers l'ambiance. Puis à travers les thématiques, à travers les lieux visités, à travers les personnages qu'on rencontre, puis à travers le ton aussi, la narration, la relation avec l'histoire que le personnage principal entretient avec son propre récit, comme s'il y avait un certain recul aussi par rapport à ce qu'il vit. Parce que ce que tu disais tantôt avec ces retournements, puis parce que le roman noir est pas nécessairement un roman policier. Tu sais, avec une enquête, avec des indices, avec tout ça. C'est plus psychologique. Ah non, attends. Souvent, Philippe Marlowe découvrait le meurtrier, mais c'était pas ça, pas en toute la patente, là, tu sais. Mm-hmm. C'était plutôt la manipulation qu'exerçait la madame sur Philippe Marlowe. Mm-hmm. Puis, écoute, maintenant, c'était pas elle, c'était sa sœur. Oui, mais c'est sur qui on va mettre l'accent aussi. Oui, les milieux politiques, mais tu sais, du côté véreux, les paumés, les bars, sont. Ça, c'est un cliché qui saute là-dedans, hein, parce que Black Sad puis la police n'ont pas de mésentente en tant que telle. Je veux dire, ils s'entraident là, là-dedans, en tout cas. Philippe Marlowe, alors, c'est ça. Alors que souvent dans le roman noir, c'est l'inverse. Là, non, mais souvent, ils sont tolérés. Ouais. Les détectives privés ne sont pas haïs, toi. Ils sont tolérés, mais il y a une entraide qui se fait, tu sais. Écoute, c'est... Tu sais, on adore Tyler Cross, là. Ouais. Mais c'est à cause de ça, là. Oui. C'est à cause de... Définitivement. Mais ça, par exemple, le grand champion de ça, c'est le dessin, là. Moi, j'ai la gueule à terre. T'ouvres n'importe quelle page de l'album, puis c'est magique. Tu parlais de la physionomie. Effectivement, moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus épaté quand tu restes dans les personnages. Les corps, peu importe quel genre de personnage ils représentent, sont dessinés de manière absolument magnifique. Puis on dirait que l'animal est choisi pour fitter avec le corps humain qu'il lui met. Et les décors aussi, mais j'étais renversé. Les angles qui changent d'angle régulièrement pour montrer les décors, tout ça. Donc, sans nécessairement tomber dans des réductions grossières, mais il y a quelque chose chez les Espagnols, chez les Argentins, dans l'ambiance vraiment qu'ils créent, dans cette espèce je sais pas comment dire ça. On se ferme les deux. C'est comme si on était assis un café au soleil. Il y a vraiment quelque chose dans la bande dessinée hispanophone. C'est jamais comme juste une idée ou juste. C'est tout un ensemble d'ambiances, de couleurs, de scènes, de réactions qui créent vraiment un moment. Toujours comme cristallisé, mais avec une beauté là, ou un tragique qui est tellement renversant, là. En fait, j'ai envie de dire, puis c'est un terme qui a pas de sens dans l'absolu, là, mais il y a un côté immersif presque dans l'expérience. Oui. La mesure où l'ambiance est tellement forte, ouais, du moment où t'es minimalement concentré, où t'es dans une ambiance toi-même qui amène toute ton attention vers le récit. Dans le fond, si t'as bien choisi ton éclairage, ton ambiance sonore et le reste, il y a une immersion complète. L'attachement automatique au personnage ou la détestation automatique des personnages. Après trois pages, c'est embarqué. C'est ça. On est parti. C'est instantané. Ouais. Ça manquait à votre vie, les gars. Je vous écoute parler de Black Sad. Alors, tout à fait, on a l'impression d'avoir comme la BD de l'année. Ben, tout tu vois, coup, tu vois d'ailleurs, pour faire une référence avec une ancienne émission de la vie en BD qu'on avait faite cet été, parler de la bande dessinée hispanophone, quand on l'avait lu aujourd'hui, t'as beau jour pour mourir. Oui, ben voilà, c'est un autre espagnol, exactement, ça. C'est ça, exactement. C'est ça, depuis quelques temps, la BD espagnole, elle nous tombe dans les mains. Ben, je veux dire hispanophone, parce qu'il y a l'Amérique du Sud aussi. Aussi, mais... Puis, toutes les fois, je suis comme renversé, là. Ah, tout à fait. Ils ont une maître... on n'avait pas la chance d'avoir de ces récits de ces qui étaient traduits et tout, mais là, avec l'aspect mondialisation qui, depuis des années, nous amène, et là, les maisons d'édition, écoute, là, c'est merveilleux, on se ramasse avec des ouvrages comme Black Sad qui a quelques années, mais avec une maison d'édition qui s'appelle Les Longs Becs. Ouais. Les Longs Becs, ça nous est arrivé dessus, aujourd'hui est un beau jour pour mourir, entre autres, mais ils ont aussi beaucoup de BD hispanophones, de classiques pour eux. Ils nous rééditent des classiques, des westerns, des... Et c'est sûrement une question de lumière, question de d'ambiance. On parle d'ambiance, puis de lumière et de couleur. Mais moi, je suis certain que c'est à cause de là où on vit, de la lumière qu'on reçoit. Même les Sud-Américains, les Argentins, ça aussi, c'est... C'est merveilleux de la façon dont même, tu racontes. En tout cas, là, je m'amuse à extrapoler, mais cet héritage peut-être même du Sfumato arrivé. Bon, je vous dis, Black Sands, vous avez l'impression de regarder Velázquez. C'est cette splendeur-là, c'est cette maîtrise des couleurs-là. Je sais pas si c'est cet héritage-là, mais même dans des trucs d'Antonio Altariba ou Eduardo Risso qui travaillent en noir et blanc, on a encore cette force-là, cette composition-là, qu'on dit, il resterait juste à mettre un peu. On n'en a pas besoin des couleurs. Ils sont juste. Mais non, tout ça pour dire que du côté de nos amis hispanophones, là, il y a des très, très, très, très, très belles productions qui se font. Là. C'est une foissonnance qui est redoutable. Et vous êtes chanceux, puis pas, mais dans le sens que, tu sais, nous, ceux qui connaissent Black Sad, depuis. Il est sorti 3 albums assez rapprochés, et là, depuis 4, 5, 6 ans. On attend le prochain. Là. Oui, et oui. Semble-t-il qu'il y en aurait un en 2020, peut-être, dans la rumeur. Mais Guardino a dessiné des trucs pour... Guarnido a dessiné des séries jeunesse. Et là, un dernier album là, qui vient de paraître sur un aventurier espagnol, justement. Là. Mais non, je veux dire, d'un point de vue pratico-pratique, si on avait un doute à savoir si le roman noir fonctionne en BD, je veux dire, n'importe qui dit, ben, moi, je suis pas sûr que ça transporte, on met ça, en fait, je veux dire, ça devient pratiquement ma référence de roman noir, d'adaptation, de tout en tout. Nonobstant, en fait, il y a d'autres très bons titres dans d'autres genres. On est dans un aboutissement, on est dans un sommet. Tout à fait. Et le zoomorphisme n'est pas gratuit. Non, absolument pas. Même au contraire, il vient au service du récit. Exactement. Oui, à 100%. Et je pense que bon, ce qu'avance Raymond est indéniable. Black Sad est au roman noir ce que De Cap et De Croc est au roman De Cap et De Feu. Tu l'avais dit que tu trouvais une traduction. Alors, quand même. Je ne l'ai pas vu. Non, moi non plus. Mais c'est drôle. Bon, le mais en même temps, c'est un peu ça quand même, parce que justement, on va retrouver dans De Cap et De Croc tout ce qui fait, à mon avis, et je parle en tant que fan des romans de Cap et d'Épée, tout ce qui fait le plaisir, le côté aventure, le côté renversant, le côté amusant, le côté plaisant de ce genre de roman-là, de ces personnages qui sont plus grands que nature, de ces aventures qui sont complètement rocambolesques. Des têtes brûlées, qui leur arrivent toutes sortes de choses. Ces esprits du temps, c'est ça, qui se lançaient dans le danger sans arrière-pensée, juste pour la beauté du geste ou du trait d'esprit, et qui clash quand même aussi par rapport aux trois autres, parce que justement dans De Cap et De Croc, la particularité de la chose est que essentiellement on a trois protagonistes qui sont des animaux. On a évidemment nos deux héros, Armand et Don Lope de Vega, et il a le boss Isangrin, et notre cher ami Euseb, le très amusant petit lapin. Mais ils sont conscients qu'ils sont des animaux. Parce que, bon, dans certaines mesures, par exemple, on voit Armand essayer de se ronger la patte quand il est prisonnier, comme un renard pris au piège, ce qu'il est. Lors de leur apparition dans la bande dessinée, ils regardent une adaptation des Fables de La Fontaine. Ils sont cachés, puis ils sont là, on n'est pas du tout comme ça. Non, c'est ça, ils sont vraiment choqués de voir ce qu'on fait du loup. Mais personne ne semble avoir un regard particulier sur le fait qu'ils sont des animaux. Non, c'est ça, exactement. Personne n'a l'air de boguer là-dessus. Je veux dire, Armand... chante la pomme à peu près à n'importe quelle jeune, jolie femme qu'il peut croiser. Il n'y en a aucune qui lui fait, ben non, mais le, c'est renard. C'est le renard du roman de Renard. Oui, carrément, carrément. Et justement, mais en même temps, pourquoi? Si ce n'est pas justement pour, à quelque part, isoler ces personnages-là, donc magnifier, ah. Ben, regardez, c'est eux les héros. C'est eux les héros parce que, bon, ça clash, ce ne sont pas les humains, mais aussi parce que, justement, au contraire, peut-être des humains, on a une espèce d'exacerbation, encore une fois, de ce qu'ils sont. Oui, ben, en fait, ben, je rejoindrai sur le deuxième, puis j'aurais tendance à ajouter aussi que ça leur donne un charisme particulier oui. et qu'on accepte plus facilement, dans le fond, le caractère héroïque, la capacité, les éléments. On dirait que ces personnages-là auraient moins d'impact s'ils étaient des humains. Et ils réussiraient pas à être aussi aboutis aussi rapidement s'ils étaient des humains d'ailleurs, aussi. D'ailleurs, juste pour faire un lien avec ce que tu dis là, il y a une scène à un moment donné où Euseb on va le mettre à mort. Et puis, ça, le garde Chiom refuse de le faire. Ah, il est trop mignon. Je sais, il n'ose pas le frapper. C'est un lapin. Qu'est-ce que j'attendais? Oh, il est trop mignon. c'est vraiment magique. Mais de fait, d'ailleurs, quand il dessine, là, je ne me rappelle plus le nom du dessinateur. Excusez-moi. Moi, je l'ai découvert cette série-là. On m'en avait parlé. Marie-Hélène Vaujoie, ça, je racontais. Marie-Hélène Vaujoie me racontait il y a quelques semaines, juste avant qu'Edouard nous mette ça. Il dit, ah, moi, c'est ma série. J'adore ça à cause des textes et tout ça. Là. Mais effectivement, les personnages ont la dans le dessin le côté très héroïque. On voit bien le loup qui décide de se battre là, à l'épée. Don Lupe, il est tout à fait magnifique. On dirait un Zorro, même si Zorro, je pense que ça veut dire renard. Quand on dit un Hidalgo, on voit ouais, c'est ça, exactement. Puis à la fin, là, on sent là, vers quoi on va s'en aller comme aventure. Oui, là, ouais, tout à fait. Là, puis là, ça sent l'aventure à l'Alexandre Dumas plein nez. Parce que dans ce cas-ci, on n'avait pas eu droit à une intégrale dans ce qui nous a été prêté. Heureusement, parce que moi, je pense que vous l'auriez passé également au complet. Et ce qui me fait penser d'ailleurs, et ça c'est un des plaisirs que j'ai lu à lire cet album, outre l'action et tout ça, qui est de la grande aventure, mais je suis comme toi Edouard, j'adore les romans de KPDP, c'est le texte. C'est du niveau, je veux dire, ça faisait penser, moi des romans de KPDP, j'ai beaucoup accroché sur les Cyrano de Bergerac, Constant ouais, ben, Grette, c'est ça qu'on est et on retrouve là-dedans la poésie, le trait, c'était un pari ça, quand c'est sorti, c'était un pari, rappelez-vous. Edmond Rostand au théâtre d'avoir fait son Cyrano en vers, c'était ça allait là, c'était au théâtre, on est habitué par de mais quand au cinéma ils ont décidé de le faire là, un film au complet en vers avec Depardieu là, et ça c'était tout un pari et c'était réussi. Alors imaginez, on débarque en BD et là on raconte pas Cyrano là, on va raconter une histoire inédite et là on va la mettre en oh, wow! On va la mettre en vert avec des personnages animaliers. Et ouais. Et là, c'est en s'adressant tout... aussi à des jeunes, parce qu'on s'adresse pas seulement à un public adulte. Là. Non, c'est ça. Comme ça doit très bien passer pour les jeunes. Oui. Et ça fonctionne. Moi, je suis pas un amateur de KPDP. Et j'étais pas. Je me rappelle quand Delcourt, dans ses débuts, était comme ça, très innovateur, parce que fallait avoir, comme je disais, c'était un pari, là, pour. Et quand il arrive avec ça, en vert, de cap et d'épée, avec des personnages, et ça a eu un succès, parce que c'est fluide, ça ne s'arrête pas pour dire, effectivement, les animaux et tout, ça prend 3 secondes, on fait le lien, puis on embarque dans l'aventure, et l'image, texte, fonctionne merveilleusement, même si c'est en vert, ça fonctionne merveilleusement aussi grâce à l'image qui... Il n'y a pas juste les animaux bien dessinés, mais les décors, l'époque. Oui, mais le vert impose un rythme de lecture. C'est que dans le fond, on est dans un langage qui est rythmé. Oui. Et ça crée un beat, en fait. Oui, c'est ça, qui est soutenu jusqu'à la fin. Hein. En fait, le langage, il est travaillé pendant les 3... Je veux pas casser le fun à personne, mais c'est une bonne série. Mais le langage, il est travaillé sur 3 épisodes, à peu près 3 albums. Après ça, il est moins travaillé. Okay. Moi, j'avais été un peu déçu du 4 et des suivants parce que là, j'y retrouvais moins le... Parce que c'est l'aspect vraiment particulier de cette série. Ah oui, les 3 premiers. C'est le genre de truc où tu as envie de lire les bulles à voix haute, de rythmer un peu le truc. Ça, on revient un peu sur le côté cinématographique, mais quand tu y vas avec ce type d'écriture-là, ben ça porte aussi à l'oral. Et peu importe le personnage, parce que je pense qu'ils le font tous. Non, dans les premiers, c'est ça. Dans les premiers, tout le monde... Le texte est général. Là, avec quelques gags ici et là, où à un moment donné, là, t'as, entre autres, voyons, Armand, qui dit à son compère, ah, je cherche une rime avec, pendant qu'il se bouge. Oui, oui, oui, oui. Mais encore une fois, ça renvoie à Cyrano, ça renvoie au duel, c'est ça, là, c'est cette capacité, justement, et qui faisait dans Cyrano, par exemple, qui est moi aussi une de mes œuvres fétiches, je veux dire, la force du personnage, c'est que c'est pas seulement un grand bretteur, mais c'est qu'il est capable de bretter en composant un poème en même temps, c'est, je veux dire, et c'est ce qu'on retrouve dans Armand, Don Lopé, je veux dire, ce côté grave, comme je disais, si vous avez déjà lu ou vu Le Capitaine à la Triste, je veux dire, c'est l'épitome de l'Hidalgo, de ce que ça incarne dans son esprit, un bretteur, mais en même temps un peu dur, un peu aventurier, un peu, je veux dire, le gentilhomme déchu. Le gentilhomme, c'est ça, vous avez Viggo Mortensen et vous avez Don Lopé, là, je veux dire, c'est deux beaux personnages, puis le Teuzeb à la fin qui jouait à eux, là, qui est complètement autre chose. Oui, oh, oui, mais lui, c'est le running gag. C'est pour ça que j'ai aimé le lire, parce que on est beaucoup, d'ailleurs, parce que ça, je pense que c'est les années 90, à peu près. On vit beaucoup à, maintenant, tant au cinéma que dans la bande dessinée, d'ailleurs, à l'ère des personnages cyniques, hein, tout ça, puis bon, c'est le fun, je le quitte, mais des anti-héros, puis là, ça fait du bien d'avoir un peu de relire des héros plus grands que nature. Oh, on est un contre 10, tant mieux, rassons-nous, je ne voudrais pas que ce soit autrement. Ça respecterait pas l'esprit du cap et d'épée si on n'était pas dans cette ambiance-là non plus. Exactement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne dans une logique de cap et d'épée, parce qu'on retrouve un peu cette, entre guillemets, naïveté-là, qui est effectivement rafraîchissante dans le contexte de la production actuelle. Comme Black Sad, les auteurs ont fait ce pari-là, tu sais, Black Sad, on va pas raconter une histoire de police, là, on va raconter un roman noir, tu sais. Là, on va pas raconter une aventure, tu sais, non, on va faire du cap et d'épée, là, tu sais, avec les cas, tu sais. C'est d'aller chercher, tu sais, comme Tyler Cross. C'est d'aller chercher les codes, la vraie chose là, qu'on veut raconter, et de prendre le pari que dans le monde dans lequel on vit, on va les appliquer. Tu sais, avec Edouard, on a souvent des discussions sur le western, parce que moi, ça fait 15 ans là, que j'ai pas vu un vrai western à la télé. Là, il s'en fait de temps en temps, mais tu sais, Clint Eastwood l'a enterré avec Unforgiven. Là. Et récemment, avec Edouard m'avait aiguillonné sur un western qui s'appelle The Kid, et là je m'y suis retrouvé là, parce que c'est pas tout de raconter un western, il faut que tu y vois avec les codes, parce que tu peux raconter une histoire qui se passe dans l'Ouest là, tu sais, d'aujourd'hui là, ça se raconte là, une histoire qui se raconte dans l'Ouest, mais si tu veux raconter un western, ah, ça te prend les codes là, même si tu les démolis, parce que c'est ça que Clint Eastwood fait dans Unforgiven, il prend les codes, il les démolit, mais ça reste un western quand même, tandis que si tu veux raconter une histoire avec des cowboys et tout, ça veut pas nécessairement dire que ça va être un western. Et c'est la même chose pour The Cap et the Crow ou de Black Sad. Raconter une histoire de police, c'est pas nécessairement un roman noir. Exact. Puis dans le contexte aussi où, en termes de visuel, en termes de maîtrise, en termes de style, on reproduit les codes, mais on les reproduit dans le contexte de la période du dessin, de l'époque dans laquelle on est actuellement. Je veux dire, de Cap et de Crow, ça soigne pas les années 60 en termes de mise en scène. C'est ça, Black Sad, ça soigne pas les années 30. On est aujourd'hui dans la manière d'aborder la BD. C'est ça qui est magnifique, là. C'est cette maîtrise-là qu'ont les auteurs de raconter avec toutes les codes de la BD du cap et d'épée et avec c'est ça et de faire quelque chose de moderne. Ouais. Mais toujours, et je pense que c'est non seulement pour ce club de lecture-ci, mais je pense que c'est un élément assez récurrent des BD qui nous ont marqués et qu'on a aimés au fil des clubs de lecture, ces deux choses qui ressortent, l'authenticité et l'intégrité. On sent que c'est fait par amour avec des gens qui connaissent ça. Edouard est en train de nous dire, c'est qu'on a bon goût. Moi particulièrement, mais je pense quand même que par la bande, mon influence vous a de temps en temps, on en sort aussi des bonnes dans nos sélections. Quand je vous en pointe une, des fois, vous êtes pas plus tard. Mais effectivement, on fait une très, très belle sélection de ce côté-là. Et en fait, là-dessus, je pense que vous aurez compris là, des belles recommandations, entre autres, pour vos amis, l'intégrale Black Sad pour Noël. On va mettre ça. ça paraît. S'il y a des messages, là. Ah, ouais, ouais. De Cap et de Croc chez Delcourt. La suite. Donc, la fin du monde en trinquant et La bête est morte. Donc, les albums dont on a traité au club de lecture. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, merci à vous trois. Un grand plaisir, mon ami. Et on se retrouve, nous, le 20 décembre pour le dernier club de lecture de l'année. Alors, ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro avec ses joyeux collègues. La semaine prochaine, ce sera Leif Tand qui sera avec nous. Dans quelques instants, ces messieurs, Dynamite, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Passez une bonne soirée et une excellente semaine.